Audiomatique. Thank you. La transmission 015 d'Audiomatique s'amorçait avec la formation québécoise Handful of Snowdrops, qui nous revient en force avec un troisième album studio, leur premier depuis 1991, si on ne compte pas les albums en concert, les compilations de démos et de pièces inédites et les rééditions. Ce troisième album s'intitule tout simplement 3 en chiffres romains et a été financé à l'aide de la plateforme Indiegogo, qui permet aux artistes de recueillir les dons du grand public. Selon la générosité de leurs contributions, les donateurs reçoivent, dans ce cas-ci, l'album sous différents formats, soit numérique, CD, vinyle, avec ou sans produits dérivés. On pouvait donc entendre, pour débuter l'émission, la pièce qui ouvre l'album 3 d'Handful of Snowdrops, soit Terroir 3, The Hill, The Sea, The Sky, The Stars. L'album n'est pas encore officiellement disponible, mais certains donateurs ont pu avoir accès en exclusivité à la version numérique de l'album hier matin. Vous voilà donc bien installés en compagnie des électronistes qui vous offrent jusqu'à 19h quelques compositions tirées du répertoire de la musique électronique. Nous espérons que vous retirerez autant de plaisir que nous à découvrir des artistes qui façonnent ce vaste genre musical à travers différentes époques. Nous poursuivons d'ailleurs avec une des premières compositions de la formation canadienne Psyche. Émergeant de Calgary en 1982, les frères Darren et Stephen Huss étaient alors accompagnés de Dwayne Rudolph Gettle, qui va se joindre en 1986 au groupe Skinny Poppy jusqu'à son décès en 1995. Nous vous proposons donc d'écouter une des rares pièces de Psyche mettant à contribution les talents de compositeur de M. Gettle. Voici la pièce Krieg, qui a été déterrée des archives de Psyche pour être publiée sur l'album hommage Remembering Dwayne. Just so you might think. Yeah. Vous aurez probablement reconnu la formation qui concluait cette séquence musicale à Audiomatic. Il s'agissait bien évidemment de New Order avec la pièce Vanishing Point qui se retrouve sur l'album Technique paru en 1989. Rappelons que New Order est né en 1980 des cendres du groupe Joy Division après la mort du célèbre chanteur Ian Curtis. Avant New Order, c'était une formation bien contemporaine qui se nomme Marcho. Ce duo féminin originaire d'Athènes, en Grèce, nous livrait sa composition « To the End », une composition qui est tirée du plus récent album intitulé « He Nail ». Et on amorçait la séquence avec une des premières créations du groupe canadien Psyche en 1982. « Krieg » est une des rares pièces sur laquelle nous entendons les manipulations sonores de Dwayne Rudolph Gottel, qui fera le saut avec Skinny Poppy en 1986. C'est maintenant au tour du duo français Voodoo Vox d'assurer la continuité à Audiomatic. Je me souviens des visages et des gestes.

Tout juste avant la pause publicitaire à Audiomatic, nous entendions le groupe français M83 avec la chanson « Skin of the Night » parue sur leur cinquième album « Saturdays Equal Youth ». Précédemment, vous avez sans doute reconnu la Britannique PJ Harvey et sa chanson « Joy » de l'album « Is This Desire ». PJ Harvey débutera l'enregistrement de son 9e album le 16 janvier prochain d'une façon un peu particulière. En effet, elle a décidé d'offrir ses sessions d'enregistrement en exposition au grand public, c'est-à-dire que tout le processus d'enregistrement se fera au Somerset House à Londres et le grand public pourra visiter cet endroit comme on visite un musée et assister à l'enregistrement du 9e album de PJ Harvey. Et en amorce de séquence, nous avions droit au duo français Voodoo Vox, qui est la nouvelle incarnation des membres de la formation Buzz et Grand Chaos. On a pu entendre la chanson « Au rythme des incendies » de leur album « Voodoo électrique ». L'Australien David Trussell nous accompagne pour la suite des choses par l'entremise de son projet Snog. Défiant les genres musicaux, cet artiste fervent anticapitaliste occupera les prochaines minutes avec sa pièce « Is there no one that can save us from today » tirée de son 4e album « Third Mall from the Sun » sorti en 1999. Is there no one? Not Breathing complétait cette séquence avec la pièce Batter Funk parue en 2007 sur l'album The Black Old Pueblo. Auparavant, nous écoutions Gazelle Twin, le projet de l'artiste britannique Elizabeth Walling. La courte pièce Belly of the Beast se retrouve sur son plus récent album intitulé Unflesh. Et c'est Snug qui introduisait la séquence avec Is There No One That Can Save Us From Today de l'album Third Mall From the Sun. Puisque nous devons à un moment ou un autre terminer l'émission, il vaut mieux le faire en beauté. Et c'est la raison pour laquelle ce sera Arcade Fire qui viendra mettre un terme à la transmission 015 d'Audiomatic. Nous entendrons la chanson Super Symmetry, qui est tirée de leur dernier album Reflector, mais aussi de la trame sonore du film Her de Spike Jonze. Arcade Fire en a d'ailleurs composé la bande originale. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook à Audiomatic CFOU si l'envie vous prend d'écouter les précédentes transmissions. Vous pouvez également communiquer avec nous en tout temps par courriel à l'adresse audiomatic@gmail.com. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour la transmission 016. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne manquez pas les audacieuses dans quelques minutes. Mais tout juste avant, voici Arcade Fire et la chanson Super Symmetry. Supersymmetry. Supersymmetry.